34e section de Scène de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Il était environ 4 heures, moment où les magistrats quittent le palais. Par hasard, le juge d'instruction était venu voir son neveu. Ce juge, l'un des esprits les plus perspicaces en fait de morale, avait une seconde vue qui lui permettait de voir les intentions secrètes, de reconnaître le sens des actions humaines les plus indifférentes, les germes d'un crime, les racines d'un délit. Il regarda Birotteau sans que Birotteau s'en doutât. Le parfumeur, contrarié de trouver l'oncle auprès du neveu, lui parut gêné, préoccupé, pensif. Le petit Popinot, toujours affairé, la plume à l'oreille, fut comme toujours à plat ventre devant le père de sa Césarine. Les phrases banales dites par César à son associé parurent au juge être les paravents d'une demande importante. Au lieu de partir, le rusé magistrat resta chez son neveu malgré son neveu, car il avait calculé que le parfumeur essaierait de se débarrasser de lui en se retirant lui-même. Quand Birotteau partit, le juge s'en alla, mais il remarqua Birotteau flânant dans la partie de la rue des 5 diamants qui mène à la rue Aubry-le-Boucher. Cette minime circonstance lui donna des soupçons sur les intentions de César. Il sortit alors rue des Lombards, et quand il eut vu le parfumeur rentrer chez Anselme, il y revint promptement. « Mon cher Popinot, avait dit César à son associé, je viens te demander un service. »« Que faut-il faire ? » dit Popinot avec une généreuse ardeur. « Ah ! tu me sauves la vie !» s'écria le bonhomme, heureux de cette chaleur de cœur qui scintillait au milieu des glaces où il voyageait depuis 25 jours. « Il faudrait me régler 50 000 francs en compte sur ma portion de bénéfice. Nous nous entendrions pour le paiement. » Popinot regarda fixement César. César baissa les yeux. En ce moment, le juge reparut. « Mon enfant !» « Ah, pardon, monsieur Birotteau. Mon enfant, j'ai oublié de te dire. » Et par le geste impérieux de magistrat, le juge attira son neveu dans la rue et le força, quoiqu'en veste et tête nue, à l'écouter en marchant vers la rue des Lombards. « Mon neveu, ton ancien patron pourrait se trouver dans des affaires tellement embarrassées qu'il lui fallut en venir à déposer son bilan. Avant d'arriver là, les hommes qui comptent 40 ans de probité, les hommes les plus vertueux dans le désir de conserver leur honneur, imitent les joueurs les plus enragés. Ils sont capables de tout. Ils vendent leurs femmes, trafiquent de leurs filles, compromettent leurs meilleurs amis, mettent en gage ce qui ne leur appartient pas. Ils vont au jeu, deviennent comédiens, menteurs. Ils savent pleurer. Enfin, j'ai vu les choses les plus extraordinaires. Toi-même as été témoin de la bonhomie de Roguin, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession. Je n'applique pas ces conclusions rigoureuses à M. Birotteau. Je le crois honnête. Mais s'il te demande de faire quoi que ce soit qui fût contraire aux lois du commerce, comme de souscrire des effets de complaisance et de te lancer dans un système de circulation qui, selon moi, est un commencement de friponnerie, car c'est la fausse monnaie du papier, promets-moi de ne rien signer sans me consulter. Songe que si tu aimes sa fille, il ne faut pas, dans l'intérêt même de ta passion, détruire ton avenir. Si M. Birotteau doit tomber, à quoi bon tomber vous deux? N'est-ce pas vous priver l'un et l'autre de toutes les chances de ta maison de commerce qui sera son refuge? Merci, mon oncle. À bon entendeur, salut, dit Popinot, à qui la navrante exclamation de son patron fut alors expliquée. Le marchand d'huile fine et autres rentra dans sa sombre boutique, le front soucieux. Birotteau remarqua ce changement. « Faites-moi l'honneur de monter dans ma chambre, nous y serons mieux qu'ici. Les commis, quoique très occupés, pourraient nous entendre. » Birotteau suivit Popinot en proie aux anxiétés du condamné entre la cassation de son arrêt ou le rejet de son pourvoi. Mon cher bienfaiteur, dit Anselme, vous ne doutez pas de mon dévouement. Il est aveugle. Permettez-moi seulement de vous demander si cette somme vous sauve entièrement, si ce n'est pas seulement un retard à quelque catastrophe. Et alors à quoi bon m'entraîner? Il vous faut des billets à 90 jours. Eh bien, dans 3 mois, il me sera certes impossible de les payer. » Birotteau, pâle et solennel, se leva, regarda Popinot. Popinot, épouvanté, s'écria « Je les ferai si vous voulez. » « Ingrat, » dit le parfumeur, qui usa du reste de ses forces pour jeter ce mot au front d'Anselme comme une marque d'infamie. Birotteau marcha vers la porte et sortit. Popinot, revenu de la sensation que ce mot terrible produisit sur lui, se jeta dans l'escalier, courut dans la rue, mais il ne trouva point le parfumeur. L'amant de Césarine entendit toujours ce formidable arrêt. Il eut constamment sous les yeux la figure décomposée du pauvre César. Il vécut enfin, comme Hamlet, avec un épouvantable spectre à ses côtés. Birotteau tourna dans les rues de ce quartier comme un homme ivre. Cependant, il finit par se trouver sur le quai, le suivit et alla jusqu'à Sèvres, où il passa la nuit dans une auberge insensée de douleur. Sa femme, effrayée, n'osa le faire chercher nulle part. En semblable occurrence, une alarme imprudemment donnée est fatale. La sage Constance immola ses inquiétudes à la réputation commerciale. Elle attendit pendant toute la nuit, entremêlant ses prières aux alarmes. César était-il mort? Était-il allé faire quelque course en dehors de Paris, à la piste d'un dernier espoir? Le lendemain matin, elle se conduisit comme si elle connaissait les raisons de cette absence. Mais elle manda son oncle et le pria d'aller à la morgue, en voyant qu'à 5 heures, Birotteau n'était pas revenu. Pendant ce temps, la courageuse créature était à son comptoir, sa fille brodée auprès d'elle. Toutes deux, le visage composé, ni triste, ni souriant, répondaient au public. Quand Pierrot revint, il revint accompagné de César. Au retour de la bourse, il l'avait rencontré dans le palais royal, hésitant à monter au jeu. Ce jour était le 14. À dîner, César ne put manger. Son estomac, trop violemment contracté, rejetait les aliments. L'après-dîner fut encore horrible. Le négociant éprouva, pour la 100e fois, une de ces affreuses alternatives d'espoir et de désespoir qui, en faisant monter à l'âme toute la gamme des sensations joyeuses et la précipitant à la dernière des sensations de la douleur, use ses natures faibles. Derville, avoué de Birotteau, vint et s'élança dans le salon splendide où Madame César retenait de tout son pouvoir son pauvre mari qui voulait aller se coucher au 5e étage. « Pour ne pas voir les monuments de ma folie, » disait-il. « Le procès est gagné, » dit Derville. À ces mots, la figure crispée de César se détendit, mais sa joie effraya l'oncle Pierrot et Derville. Les femmes sortirent épouvantées pour aller pleurer dans la chambre de Césarine. « Je puis emprunter alors, » s'écria le parfumeur. « Ce serait imprudent, » dit Derville. « Ils interjettent appel. » La cour peut réformer le jugement, mais en 1 mois, nous aurons arrêt. 1 mois ? César tomba dans un assoupissement dont personne ne tenta de le tirer. Cette espèce de catalepsie retournée, pendant laquelle le corps vivait et souffrait, tandis que les fonctions de l'intelligence étaient suspendues, ce répit donné par le hasard fut regardé comme un bienfait de Dieu par Constance, par Césarine, par Pierrot et Derville, qui jugèrent bien. Birotteau put ainsi supporter les déchirantes émotions de la nuit. Il était dans une bergère au coin de la cheminée. À l'autre se tenait sa femme qui l'observait attentivement, un doux sourire sur les lèvres, un de ces sourires qui prouvent que les femmes sont plus près que les hommes de la nature angélique, en ce qu'elles savent mêler une tendresse infinie à la plus entière compassion. Secret qui n'appartient qu'aux anges, aperçus dans quelques rêves, providentiellement semés à de longs intervalles dans la vie humaine. Césarine, assise sur un petit tabouret, était au pied de sa mère, et frôlait de temps en temps avec sa chevelure les mains de son père en lui faisant une caresse, où elle essayait de mettre les idées que dans ses crises la voix rend importune. Assis dans son fauteuil, comme le chancelier de l'hôpital et dans le sien au péristyle de la Chambre des députés, Pillerault, ce philosophe prêt à tout, montrait sur sa figure cette intelligence gravée au front des sphinx égyptiens, et causait avec Derville à voix basse. Constance avait été d'avis de consulter l'avoué dont la discrétion n'était pas à suspecter. Ayant son bilan écrit dans sa tête, elle avait exposé sa situation à l'oreille de Derville. Après une conférence d'une heure environ, tenue sous les yeux du parfumeur hébété, l'avoué hocha la tête en regardant Pillerault. « Madame, dit-il avec l'horrible sang-froid des gens d'affaires, il faut déposer. En supposant que, par un artifice quelconque, vous arriviez à payer demain, vous devez solder au moins 300 000 francs avant de pouvoir emprunter sur tous vos terrains. À un passif de 550 000 francs, vous opposez un actif très beau, très productif, mais non réalisable. Vous succomberez dans un temps donné. Mon avis est qu'il vaut mieux sauter par la fenêtre que de se laisser rouler dans les escaliers. » « C'est mon avis aussi, mon enfant, » dit Pillerault. Derville fut reconduit par Madame César et par Pillerault. « Pauvre père, » dit Césarine, qui se leva doucement pour mettre un baiser sur le front de César. « Anselme n'a donc rien pu, » demanda-t-elle quand son oncle et sa mère revinrent. « Ingrat, » s'écria César, frappé par ce nom dans le seul endroit vivant de son souvenir, comme une touche de piano dont le marteau va frapper sa corde. Depuis le moment où ce mot lui fut jeté comme un anathème, le petit Popinot n'avait pas eu un moment de sommeil, ni un instant de tranquillité. Le malheureux enfant maudissait son oncle. Il était allé le trouver. Pour faire capituler cette vieille expérience judiciaire, il avait déployé l'éloquence de l'amour, espérant séduire l'homme sur qui les paroles humaines glissaient comme l'eau sur une toile, un juge. Commercialement parlant, lui dit-il, l'usage permet à l'associé gérant de régler une certaine somme à l'associé commanditaire par anticipation sur des bénéfices, et notre société doit en réaliser. Tout examen fait de mes affaires, je me sens les reins assez forts pour payer 40 000 francs en 3 mois. La probité de M. César permet de croire que ces 40 000 francs vont être employés à solder ses billets. Ainsi, les créanciers, s'il y a faillite, n'auront aucun reproche à nous adresser. D'ailleurs, mon oncle, j'aime mieux perdre 40 000 francs que de perdre Césarine. Au moment où je parle, elle est sans doute instruite de mon refus et va me mésestimer. J'ai promis de donner mon sang pour mon bienfaiteur. Je suis dans le cas d'un jeune matelot qui doit sombrer en tenant la main de son capitaine, du soldat qui doit périr avec son général. Bon cœur et mauvais négociant, tu ne perdras pas mon estime, dit le juge en serrant la main de son neveu. J'ai beaucoup pensé à ceci, reprit-il. Je sais que tu es amoureux fou de Césarine. Je crois que tu peux satisfaire aux lois du cœur et aux lois du commerce. Ah, mon oncle, si vous en avez trouvé le moyen, vous me sauvez l'honneur. Avance à Birotteau 50 000 francs. En faisant un acte de réméré relatif à ses intérêts dans votre huile, qui est devenue comme une propriété. Je te rédigerai l'acte. Anselme embrassa son oncle, retourna chez lui, fit pour 50 000 francs d'effet et courut de la rue des Cinq Diamants à la place Vendôme, en sorte qu'au moment où Césarine, sa mère et leur oncle Pillerault regardaient le parfumeur, surpris du ton sépulcral avec lequel il avait prononcé ce mot, « ingrat ». En réponse à la question de sa fille, la porte du salon s'ouvrit et Popinot parut. « Mon cher et bien-aimé patron, » dit-il en s'essuyant le front baigné de sueur, « voilà ce que vous m'aviez demandé. » Il tendit les billets. « Oui, j'ai bien étudié ma position. N'ayez aucune peur. Je paierai. Sauvez, sauvez votre honneur. » « J'étais bien sûr de lui, » s'écria Césarine, en saisissant la main de Popinot et la serrant avec une force convulsive. Madame César embrassa Popinot. Le parfumeur se dressa comme un juste, entendant la trompette du jugement dernier. Il sortait comme d'une tombe. Puis il avança la main par un mouvement frénétique pour saisir les 50 papiers timbrés. « Un instant, » dit le terrible oncle Pillerault, en arrachant les billets de Popinot. « Un instant. » Les quatre personnages qui composaient cette famille, César et sa femme, Césarine et Popinot, étourdis par l'action de leur oncle et par son accent, le regardèrent avec terreur, déchirant les billets et les jetant dans le feu qui les consuma sans qu'aucun d'eux ne les arrêtât au passage. « Mon oncle ? Mon oncle ? Mon oncle ? Monsieur ?» Ce fut quatre voix, quatre cœurs en un seul, une effrayante unanimité. L'oncle Pillerault prit le petit Popinot par le cou, le serra sur son cœur et le baisa au front. « Tu es digne de l'adoration de tous ceux qui ont du cœur, lui dit-il. Si tu aimais ma fille, eût-elle 1 million, n'eusses-tu rien que ça ? » Il montra les cendres noires des effets. « Si elle t'aimait, vous seriez mariés dans 15 jours. »« Ton patron, dit-il en désignant César, est fou. »« Mon neveu, reprit le grave Pillerault en s'adressant au parfumeur, mon neveu, plus d'illusions. On doit faire les affaires avec des écus et non avec des sentiments. Ceci est sublime, mais inutile. J'ai passé 2 heures à la bourse. Tu n'as pas pour 2 liards de crédit. » Tout le monde parlait de ton désastre, de renouvellement refusé, de tes tentatives auprès de plusieurs banquiers, de leurs refus, de tes folies, 6 étages montés pour aller trouver un propriétaire bavard comme une pie, afin de renouveler 1200 francs, ton bal donné pour cacher ta gêne. On va jusqu'à dire que tu n'avais rien chez Roguin. Selon vos ennemis, Roguin est un prétexte. Un de mes amis, chargé de tout apprendre, est venu confirmer mes soupçons. Chacun pressent l'émission des effets Popinot. Tu l'as établi tout exprès pour en faire une planche à billets. Enfin, toutes les calomnies et les médisances que s'attire un homme qui veut monter un bâton de plus sur l'échelle sociale roulent à cette heure dans le commerce. Tu colporterais vainement pendant 8 jours les 50 billets de Popinot sur tous les comptoirs. Tu essuierais 2 millions refus. Personne n'en voudrait. Rien ne prouve le nombre auquel tu les aimais, et l'on s'attend à te voir sacrifiant ce pauvre enfant pour ton salut. Tu aurais détruit en pure perte le crédit de la maison Popinot. Sais-tu ce que le plus hardi des escompteurs te donnerait de ces 50 000 francs ? 20 000. 20 000, entends-tu ? En commerce, il est des instants où il faut pouvoir se tenir devant le monde 3 jours sans manger, comme si l'on avait une indigestion, et le quatrième, on est admis au garde-manger du crédit. Tu ne peux pas vivre ces 3 jours, tout est là. Mon pauvre neveu, du courage, il faut déposer ton bilan. Voici Popinot, me voilà. Nous allons, aussitôt tes commis couchés, travailler ensemble afin de t'éviter ces angoisses. Mon oncle, dit le parfumeur en joignant les mains. César, veux-tu donc arriver à un bilan honteux où il n'y a pas d'actif ? Ton intérêt chez Popinot te sauve l'honneur. César, éclairé par ce fatal et dernier jet de lumière, vit enfin l'affreuse vérité dans toute son étendue. Il retomba sur sa bergère, de là sur ses genoux. Sa raison s'égara, il redevint enfant. Sa femme le crut mourant. Elle s'agenouilla pour le relever, mais elle s'unit à lui quand elle lui vit joindre les mains, lever les yeux et réciter avec une componction résignée, en présence de son oncle, de sa fille et de Popinot, la sublime prière des catholiques. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre sainte volonté soit faite dans ta terre comme dans le ciel. Donnez-nous notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ainsi soit-il. Des larmes vinrent aux yeux du stoïque Pillerault. Césarine, accablée, en larmes, avait la tête penchée sur l'épaule de Popinot, pâle et raide comme une statue. « Descendons, » dit l'ancien négociant au jeune homme en lui prenant le bras. À 11h30, ils laissèrent César aux soins de sa femme et de sa fille. En ce moment, Célestin, le premier commis qui, durant ce secret orage, avait dirigé la maison, monta dans les appartements et entra au salon. En entendant son pas, Césarine courut lui ouvrir pour qu'il ne vît pas l'abattement du maître. « Parmi les lettres de ce soir, dit-il, il y en avait une venue de Tours, dont l'adresse était mal mise, ce qui a produit du retard. J'ai pensé qu'elle est du frère de monsieur et ne l'ai pas ouverte. « Mon père, cria Césarine, une lettre de mon oncle de Tours. « Ah, je suis sauvé, cria César. « Mon frère, dit-il en baisant la lettre. Réponse de François à César Birotteau. Tours, 17 courant. Mon bien-aimé frère, ta lettre m'a causé la plus vive affliction. Après l'avoir lue, je suis allé offrir à Dieu le saint sacrifice de la messe à ton intention, en l'intercédant par le sang que son Fils, notre divin Rédempteur, a répandu pour nous, de jeter sur tes peines un regard miséricordieux. Au moment où j'ai prononcé mon oraison, pro meo fratre coesare, j'ai eu les yeux pleins de larmes en pensant à toi, de qui, par malheur, je suis séparé dans les jours où tu dois avoir besoin des secours de l'amitié fraternelle. Mais j'ai songé que le digne et vénérable monsieur Pirot me remplacera sans doute. Mon cher César, n'oublie pas au milieu de tes chagrins que cette vie est une vie d'épreuves et de passage. Qu'un jour, nous serons récompensés d'avoir souffert pour le saint nom de Dieu, pour sa sainte Église, pour avoir observé les maximes de l'Évangile et pratiqué la vertu. Autrement, les choses de ce monde n'auraient point de sens. Je te redis ces maximes en sachant combien tu es pieux et bon, parce qu'il peut arriver aux personnes qui, comme toi, sont jetées dans les orages du monde et lancées sur la mer périlleuse des intérêts humains, de se permettre des blasphèmes au milieu des adversités, emportés qu'ils sont par la douleur. Ne maudis ni les hommes qui te blesseront, ni Dieu qui mêle à son gré de l'amertume à ta vie. Ne regarde pas la terre, au contraire, lève toujours les yeux au ciel. De là viennent des consolations pour les faibles, là sont les richesses des pauvres, là sont les terreurs du riche. Mais, Birotteau, lui dit sa femme, passe donc cela et vois s'il nous envoie quelque chose. Nous la relirons souvent, reprit le marchand en essuyant ses larmes et entr'ouvrant la lettre d'où tomba un mandat sur le trésor royal. J'étais bien sûr de lui, pauvre frère, dit Birotteau en saisissant le mandat. Je suis allé chez madame de Listomère, reprit-il en lisant d'une voix entrecoupée par les pleurs et sans lui dire le motif de ma demande. Je l'ai priée de me prêter tout ce dont elle pouvait disposer en ma faveur afin de grossir le fruit de mes économies. Sa générosité m'a permis de compléter une somme de 1000 francs. Je te l'adresse en un mandat du receveur général de Tours sur le trésor. La belle avance, dit Constance en regardant Césarine. En retranchant quelques superfluités dans ma vie, je pourrais rendre en 3 ans à madame de Listomère les 400 francs qu'elle m'a prêtés. Ainsi ne t'en inquiète pas, mon cher César, je t'envoie tout ce que je possède dans le monde, en souhaitant que cette somme puisse aider à une heureuse conclusion de tes embarras commerciaux qui, sans doute, ne seront que momentanés. Je connais ta délicatesse et veux aller au-devant de tes objections. Ne songe ni à me donner aucun intérêt de cette somme, ni à me la rendre dans un jour de prospérité qui ne tardera pas à se lever pour toi, si Dieu daigne entendre les prières que je lui adresserai journellement. D'après ta dernière reçue, il y a 2 ans, je te croyais riche et pensais pouvoir disposer de mes économies en faveur des pauvres. Mais maintenant, tout ce que j'ai t'appartient. Quand tu auras surmonté ce grain passager de ta navigation, garde encore cette somme pour ma nièce Césarine, afin que, lors de son établissement, elle puisse l'employer à quelque bagatelle qui lui rappelle un vieil oncle dont les mains se lèveront toujours au ciel pour demander à Dieu de répandre ses bénédictions sur elle et sur tous ceux qui lui seront chers. Enfin, mon cher César, songe que je suis un pauvre prêtre qui va à la grâce de Dieu comme les alouettes des champs, marchant dans mon sentier, sans bruit, tâchant d'obéir au commandement de notre divin Sauveur, et à qui, conséquemment, il faut peu de choses. Ainsi, n'aie pas le moindre scrupule dans la circonstance difficile où tu te trouves, et pense à moi comme à quelqu'un qui t'aime tendrement. Notre excellent abbé Chapeloud, auquel je n'ai point dit ta situation, et qui sait que je t'écris, m'a chargé de te transmettre les plus aimables choses pour toutes les personnes de ta famille, et te souhaite la continuation de tes prospérités. Adieu, cher et bien-aimé frère. Je fais des vœux pour que, dans les conjonctures où tu te trouves, Dieu te fasse la grâce de te conserver en bonne santé, toi, ta femme et ta fille. Je vous souhaite à tous patience et courage en vos adversités. François Birotteau, prêtre vicaire de l'église cathédrale et paroissiale de Saint-Gatien de Tours. 1 000 francs, dit madame Birotteau furieuse. Serre-les, dit gravement César, il n'a que cela. D'ailleurs, ils sont à notre fille, et doivent nous faire vivre sans rien demander à nos créanciers. Ils croiront que tu leur as soustrait des sommes importantes. Je leur montrerai la lettre. Ils diront que c'est une frime. Mon Dieu, cria Birotteau, terrifié. J'ai pensé cela de pauvres gens qui sans doute étaient dans la situation où je me trouve. Trop inquiète de l'état où se trouvait César, la mère et la fille travaillèrent à l'aiguille auprès de lui, dans un profond silence. À 2 heures du matin, Popinot ouvrit doucement la porte du salon et fit signe à madame César de descendre. En la voyant, son oncle ôta ses besicles. « Mon enfant, il y a de l'espoir, lui dit-il, tout n'est pas perdu. Mais ton mari ne résisterait pas aux alternatives des négociations à faire et qu'Anselme et moi, nous allons tenter. Ne quitte pas ton magasin demain et prends toutes les adresses des billets. Nous avons jusqu'à 4 heures. Voici mon idée. Ni Monsieur Ragon, ni moi ne sommes à craindre. Supposez maintenant que vos 100 000 francs déposés chez Roguin aient été remis aux acquéreurs. Vous ne les auriez pas plus que vous ne les avez aujourd'hui. Vous êtes en présence de 140 000 francs souscrits à Claparon, que vous deviez toujours payer en tout état de cause. Ainsi, ce n'est pas la banqueroute de Roguin qui vous ruine. Je vois, pour faire face à vos obligations, 40 000 francs à emprunter tôt ou tard sur vos fabriques et 60 000 francs d'effets Popinot. On peut donc lutter, car après vous pourrez emprunter sur les terrains de la Madeleine. Si votre principal créancier consent à vous aider, je ne regarderai pas à ma fortune. Je vendrai mes rentes. Je serai sans pain. Popinot sera entre la vie et la mort. Quant à vous, vous serez à la merci du plus petit événement commercial. Mais lui le rendra sans doute de grands bénéfices. Popinot et moi, nous venons de nous consulter. Nous vous soutiendrons dans cette lutte. Ah, je mangerai bien gaiement mon pain sec si le succès point à l'horizon. Mais tout dépend de Gigonnet et des associés Claparon. Popinot et moi, nous irons chez Gigonnet de 7 à 8 heures, et nous saurons à quoi nous en tenir sur leurs intentions. Constance se jeta tout éperdue dans les bras de son oncle, sans autre voix que des larmes et des sanglots. Ni Popinot, ni Pillerault ne pouvaient savoir que Bidault, dit Gigonnet, et Claparon étaient Du Tillet sous une double forme, que Du Tillet voulait lire dans les petites affiches ce terrible article. Jugement du tribunal de commerce qui déclare le sieur César Birotteau, marchand parfumeur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, numéro 397, en état de faillite, en fixe provisoirement l'ouverture au 16 janvier 1819. Juge commissaire, M. Gobenheim Keller. Agent, M. Molineux. Anselme et Pillerault étudièrent jusqu'au jour les affaires de César. À 8 heures du matin, ces deux héroïques amis, l'un vieux soldat, l'autre sous-lieutenant d'hier, qui ne devait jamais connaître que par procuration les terribles angoisses de ceux qui avaient monté l'escalier de Bidault, dit Gigonnet, s'acheminèrent, sans se dire un mot, vers la rue Grenetat. Ils souffraient. À plusieurs reprises, Pillerault passa sa main sur son front. La rue Grenetat est une rue où toutes les maisons, envahies par une multitude de commerces, offrent un aspect repoussant. Les constructions y ont un caractère horrible. L'ignoble malpropreté des fabriques y domine. Le vieux Gigonnet habitait le 3e étage d'une maison dont toutes les fenêtres étaient à bascule et à petits carreaux sales. Son escalier descendait jusque sur la rue. Sa portière était logée à l'entresol, dans une cage qui ne tirait son jour que de l'escalier et d'une échappée sur la rue. Excepté Gigonnet, tous les locataires exerçaient un état. Ils venaient, ils sortaient continuellement des ouvriers. Les marches étaient donc revêtues d'une couche de boue dure ou molle, au gré de l'atmosphère, et où séjournaient des immondices. Sur ce fétide escalier, chaque palier offrait aux yeux les noms du fabricant écrits en or sur une tôle peinte en rouge et vernie. avec des échantillons de ses chefs-d'œuvre. La plupart du temps, les portes ouvertes laissaient voir la bizarre union du ménage et de la fabrique. Il s'en échappait des cris et des grognements inouïs, des chants, des sifflements qui rappelaient l'heure de 4 heures chez les animaux du jardin des plantes. Au premier se faisaient, dans un taudis infect, les plus belles bretelles de l'article Paris. Au second se confectionnaient, au milieu des plus sales ordures, les plus élégants cartonnages qui parent au jour de l'an les montres de Suisse. Gigonnet mourut riche de 1 800 000 francs, dans le troisième de cette maison, sans qu'aucune considération eût pu l'en faire sortir, malgré l'offre de Madame Saillard, sa nièce, de lui donner un appartement dans un hôtel de la place Royale. « Du courage !» dit Pillerault en tirant le pied de biche pendu par un cordon à la porte grise et propre de Gigonnet. Gigonnet vint ouvrir lui-même. Et les deux parrains du parfumeur, en lice dans le champ des faillites, traversèrent une première chambre correcte et froide, sans rideaux aux croisées. Tous trois s'assirent dans la seconde où se tenait l'escompteur devant un foyer plein de cendres au milieu desquels le bois se défendait contre le feu. Popinot eut l'âme glacée par les cartons verts de l'usurier, par la rigidité monastique de ce cabinet aéré comme une cave. Il regarda d'un air hébété le petit papier bleuâtre semé de fleurs tricolores collées sur les murs depuis 25 ans et reporta ses yeux attristés sur la cheminée ornée d'une pendule en forme de lyre et de vases oblongs en bleu de Sèvres richement montés en cuivre doré. Cette épave, ramassée par Gigonnet dans le naufrage de Versailles où la populace brisa tout, venait du boudoir de la reine. Elle était accompagnée de 2 chandeliers du plus misérable modèle en fer battu. « Je sais que vous ne pouvez pas venir pour vous, » dit Gigonnet, « mais pour le grand Birotteau. Eh bien, qu'y a-t-il, mes amis ?»« Je sais qu'on ne vous apprend rien. Ainsi nous serons brefs, » dit Pillerault. « Vous avez des effets ordre Claparon. » »« Oui. » « Voulez-vous échanger les 50 premiers 1000 contre des effets de M. Popinot que voici, moyennant escompte, bien entendu ?» Gigonnet ôta sa terrible casquette verte qui semblait née avec lui, montra son crâne couleur beurre frais dénué de cheveux, fit sa grimace voltairienne et dit « Vous voulez me payer en huile pour les cheveux ? Qu'est que j'en ferai ?» « Quand vous plaisantez, il n'y a qu'à tirer ses grègues, » dit Pillerault. « Vous parlez comme un sage que vous êtes, » lui dit Gigonnet, avec un sourire flatteur. « Eh bien, si j'en de sais les effets de M. Popinot, » dit Pillerault en faisant un dernier effort. « Vous êtes de l'or en barre, M. Pillerault, mais je n'ai pas besoin d'or, il me faut seulement mon argent. » Pillerault et Popinot saluèrent et sortirent. Au bas de l'escalier, les jambes de Popinot flageolaient encore sous lui. « Est-ce un homme ?» dit-il à Pillerault. « On le prétend, » fit le vieillard. « Souviens-toi toujours de cette courte séance, Anselme. Tu viens de voir la banque sans la mascarade de ses formes agréables. Les événements imprévus sont la vis du pressoir. Nous sommes le raisin, et les banquiers sont les tonneaux. L'affaire des terrains est sans doute bonne. » Gigonnet veut étrangler César pour se revêtir de sa peau. Tout est dit. Il n'y a plus de remède. Voilà la banque. N'y recours jamais. Après cette affreuse matinée où, pour la première fois, Madame Birotteau prit les adresses de ceux qui venaient chercher leur argent et renvoya le garçon de la banque sans le payer, à 11 heures, cette courageuse femme, heureuse d'avoir sauvé ses douleurs à son mari, vit revenir Anselme et Pillerault qu'elle attendait en proie à de croissantes anxiétés. Elle lut sa sentence sur leur visage. Le dépôt était inévitable. « Il va mourir de douleur, » dit la pauvre femme. « Je le lui souhaite, » dit gravement Pillerault, « mais il est si religieux que, dans les circonstances actuelles, son directeur, l'abbé Loraux, peut seul le sauver. » Pillerault, Popinot et Constance attendirent qu'un commis fût allé chercher l'abbé Loraux avant de présenter le bilan que Célestin préparait à la signature de César. Les commis étaient au désespoir. Ils aimaient leur patron. À 4 heures, le bon prêtre arriva. Constance le mit au fait du malheur qui fondait sur eux, et l'abbé monta comme un soldat monte à la brèche. « Je sais pourquoi vous venez, » s'écria Birotteau. « Mon fils, » dit le prêtre, « vos sentiments de résignation à la volonté divine me sont depuis longtemps connus, mais il s'agit de les appliquer. Ayez toujours les yeux sur la croix, ne cessez de la regarder en pensant aux humiliations dont le Sauveur des hommes fut abreuvé, combien sa passion fut cruelle. Vous pourrez supporter ainsi les mortifications que Dieu vous envoie. Mon frère l'abbé m'avait déjà préparé, » dit César en lui montrant la lettre qu'il avait relue et qu'il tendit à son confesseur. « Vous avez un bon frère, » dit Monsieur Loraux, « une épouse vertueuse et douce, une tendre fille, deux vrais amis, votre oncle et le cher Anselme, deux créanciers indulgents, les Ragons, ces bons cœurs verseront incessamment du baume sur vos blessures et vous aideront à porter votre croix. Promettez-moi d'avoir la fermeté d'un martyr, d'envisager le coup sans défaillir. » L'abbé toussa pour prévenir Pierrot qui était dans le salon. « Ma résignation est sans bornes, » dit César avec calme. « Le déshonneur est venu, je songe à la réparation. » La voix du pauvre parfumeur et son air surprirent Césarine et le prêtre. Cependant, rien n'était plus naturel. Tous les hommes supportent mieux un malheur connu, défini, que les cruelles alternatives d'un sort qui, d'un instant à l'autre, apporte ou la joie excessive ou l'extrême douleur. J'ai rêvé pendant 22 ans. Je me réveille aujourd'hui, mon gourdin à la main, dit César, redevenu paysan tourangeau. En entendant ces mots, Pierrot serra son neveu dans ses bras. César aperçut sa femme, Anselme et Célestin. Les papiers que tenait le premier commis étaient bien significatifs. César contempla tranquillement ce groupe où tous les regards étaient tristes, mais amis. « Un moment, » dit-il en détachant sa croix qu'il tendit à l'abbé Loraux. « Vous me la rendrez quand je pourrai la porter sans honte. » Célestin, ajouta-t-il en s'adressant à son commis, écrivez ma démission d'adjoint. Monsieur l'abbé vous dictera la lettre, vous la daterez du 14 et la ferez porter chez monsieur de la Billardière par Raguet. » Célestin et l'abbé Loraux descendirent. Pendant environ un quart d'heure, un profond silence régna dans le cabinet de César. Sa fermeté surprenait sa famille. Célestin et l'abbé revinrent. César signa sa démission. Quand l'oncle Pierrot lui présenta le bilan, le pauvre homme ne put réprimer un horrible mouvement nerveux. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, » dit-il en signant la terrible pièce et l'attendant à Célestin. « Monsieur, » dit alors Anselme Popinot, sur le front nuageux duquel il passa un lumineux éclair, « Madame, faites-moi l'honneur de m'accorder la main de mademoiselle Césarine. » À cette phrase, tous les assistants eurent des larmes aux yeux. Excepté César qui se leva, prit la main d'Anselme et d'une voix creuse lui dit « Mon enfant, tu n'épouseras jamais la fille d'un failli. » Anselme regarda fixement Birotteau et lui dit « Monsieur, vous engagez-vous, en présence de toute votre famille, à consentir à notre mariage ?» Si mademoiselle m'agrée pour mari, le jour où vous serez relevé de votre faillite ? Il y eut un moment de silence pendant lequel chacun fut ému par les sensations qui se peignirent sur le visage affaissé du parfumeur. « Oui, » dit-il enfin. Anselme fit un indicible geste pour prendre la main de Césarine qui la lui tendit, et il la baisa. « Vous consentez aussi ?» demanda-t-il à Césarine. « Oui, » dit-elle. « Je suis donc enfin de la famille. J'ai le droit de m'occuper de ses affaires, » dit-il avec une expression bizarre. Anselme sortit précipitamment pour ne pas montrer une joie qui contrastait trop avec la douleur de son patron. Anselme n'était pas précisément heureux de la faillite, mais l'amour est si absolu, si égoïste. Césarine elle-même sentait en son cœur une émotion qui contrariait son amère tristesse. « Puisque nous y sommes, » dit Pillerault à l'oreille de Césarine, « frappons tous les coups. » Madame Birotteau laissa échapper un signe de douleur et non d'assentiment. « Mon neveu, » dit Pillerault en s'adressant à César, « que comptes-tu faire ? Continuer le commerce ?»« Ce n'est pas mon avis, » dit Pillerault. « Liquide et distribue ton actif à tes créanciers. Ne reparais plus sur la place de Paris. » « Je me suis souvent supposé dans une position analogue à la tienne. » « Ah, il faut tout prévoir dans le commerce. Le négociant qui ne pense pas à la faillite est comme un général qui compterait n'être jamais battu. Il n'est négociant qu'à demi. Moi, je n'aurais jamais continué. Comment ? Toujours rougir devant des hommes à qui j'aurais fait tort, recevoir leurs regards défiants et leurs tacites reproches ? Je conçois la guillotine. Un instant, et tout est fini. Mais... avoir une tête qui renaît et se la sentir coupée tous les jours est un supplice auquel je me serais soustrait. Beaucoup de gens reprennent les affaires comme si rien ne leur était arrivé. Tant mieux. Ils sont plus forts que Claude-Joseph Pillerault. Si vous faites au comptant et vous y êtes obligé, on dit que vous avez su vous ménager des ressources. Si vous êtes sans le sou, vous ne pouvez jamais vous relever. Bonsoir. Abandonne donc ton actif. « Laisse vendre ton fonds et fais autre chose. »« Mais quoi ?» dit César. « Eh, dit Pillerault, cherche une place. N'as-tu pas des protections ? Le duc et la duchesse de Lenoncourt, Madame de Mortsauf, Monsieur de Vandenesse, écris-leur, voilés, ils te caseront dans la maison du roi avec quelques milliers d'écus. Ta femme en gagnera bien autant, ta fille peut-être aussi. La position n'est pas désespérée. À vous trois, vous réunirez près de 10 000 francs par an. En 10 ans, tu peux payer 100 000 francs, car tu ne prendras rien sur ce que vous gagnerez. Tes deux femmes auront 1 500 francs chez moi pour leurs dépenses. Et quant à toi, nous verrons. » Constance, et non César, médita ces sages paroles. Pillerault se dirigea vers la bourse, qui se tenait alors sous une construction provisoire en planches et en pans de bois, formant une salle ronde où l'on entrait par la rue Feydeau. La faillite du parfumeur, en vue et jalousée, déjà connue, excitait une rumeur générale dans le haut commerce, alors constitutionnel. Les commerçants libéraux voyaient dans la fête de Birotteau une audacieuse entreprise sur leurs sentiments. Les gens de l'opposition voulaient avoir le monopole de l'amour du pays. Permis aux royalistes d'aimer le roi, mais aimer la patrie était le privilège de la gauche. Le peuple lui appartenait. Le pouvoir avait eu tort de se réjouir, par ses organes, d'un événement dont les libéraux voulaient l'exploitation exclusive. La chute d'un protégé du château, d'un ministériel, d'un royaliste incorrigible qui, le 13 Vendémiaire, insultait la liberté en se battant contre la glorieuse Révolution française, cette chute excitait les cancans et les applaudissements de la bourse. Pillerault voulait connaître, étudier l'opinion. Il trouva dans un des groupes les plus animés, Du Tillet, Gobenheim Keller, Nucingen, le vieux Guillaume et son gendre Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet, Montgenot, Camusot, Gobseck, Adolphe Keller, Palma, Chiffreville, Matifat, Grindot et Lourdois. « Eh bien, quelle prudence ne faut-il pas ?» dit Gobenheim à Du Tillet. « Il n'a tenu qu'un fil que mes beaux-pères n'accordassent un crédit à Birotteau. Moi, j'y suis de 10 000 francs qu'il m'a demandé il y a 15 jours. Je les lui ai donnés sur sa simple signature, » dit Du Tillet. « Mais il ne m'a jamais obligé. Je les perdrai sans regret. » « Il a failli comme tous les autres, votre neveu, » dit Lourdois à Pillerault. « Il a donné des fêtes. » Qu'un fripon essaye de jeter de la poudre aux yeux pour stimuler la confiance, je le conçois, mais un homme qui passait pour la crème des honnêtes gens, recourir aux roueries de ce vieux charlatanisme auquel nous nous prenons toujours. Comme des bêtes, dit Gobseck. N'ayez confiance qu'à ceux qui vivent dans des bouges, comme Claparon, dit Gigonnet. Eh bien, dit le gros baron Nucingen à Du Tillet, « Vous aviez voulu me chouer à une tire en m'envoyant Pirodo ?»« Je ne sais pas bire quoi, » dit-il en se tournant vers Gobenheim, le manufacturier, et n'a pas en foyer prendre chez moi 50 000 francs? Je les lui aurais remis. Oh non, dit Joseph Lebas, monsieur le baron, vous deviez bien savoir que la banque avait refusé son papier. Vous l'avez fait rejeter dans le comité d'escompte. L'affaire de ce pauvre homme, pour qui je professe encore une haute estime, offre des circonstances singulières. La main de Pillerault serrait celle de Joseph Lebas. Il est impossible, en effet, dit Mongenod, d'expliquer ce qui arrive, à moins de croire qu'il y ait, caché derrière Gigonnet, des banquiers qui veulent tuer l'affaire de la Madeleine. Il lui arrive ce qui arrivera toujours à ceux qui sortent de leur spécialité, dit Claparon en interrompant Mongenod. S'il avait monté lui-même son huile céphalique, au lieu de venir nous renchérir les terrains dans Paris en se jetant dessus, il aurait perdu ses 100 000 francs chez Roguin, mais il n'aurait pas failli. Il va travailler sous le nom de Popinot. « Attention à Popinot, » dit Gigonnet. Roguin, selon cette masse de négociants, était l'infortuné Roguin. Le parfumeur était ce pauvre Birotteau. L'un semblait excusé par une grande passion, l'autre semblait plus coupable à cause de ses prétentions. En quittant la bourse, Gigonnet passa la rue Perrin-Gasselin avant de revenir rue Greneta et vint chez Madame Madou, la marchande de fruits secs. « Ma grosse mère, » lui dit-il avec sa cruelle bonhomie, « eh bien, comment va notre petit commerce ?»« À la douce, » dit respectueusement Madame Madou, en présentant son unique fauteuil à l'usurier avec une affectueuse servilité qu'elle n'avait eue que pour le cher défunt. La mère Madou, qui jetait à terre un chartier récalcitrant ou Trobadin, qui n'eut pas craint d'aller à l'assaut des Tuileries au 10 octobre, qui goguenardait ses meilleures pratiques, capable enfin de porter sans trembler la parole au roi au nom des dames de la halle, Angélique Madou recevait Gigonnet avec un profond respect. Sans force en sa présence, elle frissonnait sous son regard âpre. Les gens du peuple trembleront encore longtemps devant le bourreau. Gigonnet était le bourreau de ce commerce. À la halle, nul pouvoir n'est plus respecté que celui de l'homme qui fait le cours de l'argent. Les autres institutions humaines ne sont rien auprès. La justice elle-même se traduit, aux yeux de la halle, par le commissaire, personnage avec lequel elle se familiarise. Mais l'usure assise derrière ses cartons verts, l'usure implorée, la crainte dans le cœur, dessèche la plaisanterie, altère le gosier, abat la fierté du regard et rend le peuple respectueux. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander ? Dit-elle. Un rien, une misère. Tenez-vous prête à rembourser les effets Birotteau. Le bonhomme a fait faillite. Tout devient exigible. Je vous enverrai le compte demain matin. Les yeux de Madame Madou se concentrèrent d'abord comme ceux d'une chatte, puis vomirent des flammes. Ah le gueux! Ah le scélérat! Il est venu lui-même, ici, me dire qu'il était adjoint, me monter des couleurs. « Matigot, ça va comme ça, le commerce. Il n'y a plus de foi chez les maires. Le gouvernement nous trompe. Attendez, je vais aller me faire payer, moi. » Et dans ces affaires-là, chacun s'en tire comme il peut, cher enfant, dit Gigonnet en levant sa jambe par ce petit mouvement sec, semblable à celui d'un chat qui veut passer un endroit mouillé et auquel il devait son nom. Il y a de gros bonnets qui pensent à retirer leur épingle du jeu. Bon, bon, je vais retirer ma noisette, Marie-Jeanne, mes socques et mon cachemire de poil de lapin, et vite, ou je te réchauffe la joue par une giroflée à 5 feuilles. Ça va s'échauffer dans le haut de la rue, se dit Gigonnet en se frottant les mains. Du Tillet sera content. Il y aura du scandale dans le quartier. Je ne sais pas ce que lui a fait ce pauvre diable de parfumeur. Moi, j'en ai pitié comme d'un chien qui se casse la patte. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas de force. Madame Madou déboucha comme une insurrection du faubourg Saint-Antoine sur les 7 heures du soir à la porte du pauvre Birotteau qu'elle ouvrit avec une excessive violence, car la marche avait encore animé ses esprits. « Tas de vermine ! Il me faut mon argent. Je veux mon argent. Vous me donnerez mon argent. où je vais emporter des sachets, des brimborions de satin, des éventails, enfin de la marchandise pour mes 2000 francs. A-t-on jamais vu des maires voler les administrés? Si vous ne me payez pas, je l'envoie aux galères. Je vais chez le procureur du roi. Le tremblement de la justice ira son train. Enfin, je ne sors pas d'ici sans ma monnaie. » Elle fit mine de lever les glaces d'une armoire où étaient des objets précieux. « L'Amadou prend, » dit à voix basse Célestin à son voisin. La marchande entendit le mot, car dans les paroxysmes de passion, les organes s'oblitèrent ou se perfectionnent selon les constitutions. Elle appliqua sur l'oreille de Célestin la plus vigoureuse tape qui se fût donnée dans un magasin de parfumerie. « Apprends à respecter les femmes, mon ange, » dit-elle, « et à ne pas chiffonner le nom de ceux que tu voles. »« Madame, » dit Madame Birotteau, sortant de l'arrière-boutique, où se trouvait par hasard son mari que l'oncle Pierrot voulait emmener, et qui, pour obéir à la loi, poussait l'humilité jusqu'à vouloir se laisser mettre en prison. « Madame, au nom du ciel, n'ameutez pas les passants. » « Et qu'ils entrent, » dit la femme, « je les y dirai la chose, histoire de rire. Oui, ma marchandise et mes écus ramassés à la sueur de mon front servent à donner vos balles. Enfin, vous allez vêtue comme une reine de France avec la laine que vous prenez à des pauvres ignots comme moi. Jésus, ça me brûlerait les épaules à moi, du bien volé. Je n'ai que du poil de lapin sur ma carcasse, mais il est à moi. Brigand de voleur, mon argent ou... » Elle sauta sur une jolie boîte en marqueterie où étaient de précieux objets de toilette. « Laissez cela, madame, » dit César en se montrant. « Rien ici n'est à moi. Tout appartient à mes créanciers. Je n'ai plus que ma personne, et si vous voulez vous en emparer, me mettre en prison, je vous donne ma parole d'honneur. » Une larme sortit de ses yeux, « que j'attendrai votre huissier et ses recors. » Le ton et le geste en harmonie avec l'action firent tomber la colère de Madame Madou. « Mes fonds ont été emportés par un notaire, et je suis innocent des désastres que je cause, » reprit César. « Mais vous serez payé avec le temps. Dussé-je mourir à la peine et travailler comme un manœuvre à la halle, en prenant l'état de porteur ?»« Allons, vous êtes un brave homme, » dit la femme de la halle. « Pardon de mes paroles, madame, mais il faut donc que je me jette à l'eau, car... « Gigonnet va me poursuivre, et je n'ai que des valeurs à 10 mois pour rembourser vos damnés billets. »« Venez me trouver demain matin, » dit Pierrot en se montrant. « Je vous arrangerai votre affaire à 5% chez un de mes amis. »« Tiens, c'est le brave père Pierrot. Eh, mais il est votre oncle, » dit-elle à Constance. « Allons, vous êtes d'honnêtes gens, je ne perdrai rien, est-ce pas ? À demain, vieux, » dit-elle à l'ancien quincaillier. César voulut absolument demeurer au milieu de ces ruines, en disant qu'il s'expliquerait ainsi avec tous ses créanciers. Malgré les supplications de sa nièce, l'oncle Pierrot approuva César et le fit remonter chez lui. Le rusé vieillard courut chez Monsieur Audry, lui expliqua la position de Birotteau, obtint une ordonnance pour une potion somnifère, l'alla commander et revint passer la soirée chez son neveu. De concert avec Césarine, il contraignit César à boire comme eux. Le narcotique endormit le parfumeur, qui se réveilla 14 heures après, dans la chambre de son oncle Pierrot, rue des Bourdonnais, emprisonné par le vieillard qui couchait, lui, sur un lit de sangle dans son salon. Quand Constance entendit rouler le fiacre dans lequel son oncle Pierrot emmenait César, son courage l'abandonna. Souvent, nos forces sont stimulées par la nécessité de soutenir un être plus faible que nous. La pauvre femme pleura de se trouver seule chez elle avec sa fille, comme elle aurait pleuré César mort. « Maman, » dit Césarine en s'asseyant sur les genoux de sa mère, et la caressant avec ces grâces chattes que les femmes ne déploient bien contre elle. « Tu m'as dit que si je prenais bravement mon parti, tu trouverais de la force contre l'adversité. Ne pleure donc pas, ma chère mère. Je suis prête à entrer dans quelques magasins et je ne penserai plus à ce que nous étions. Je serai comme toi dans ta jeunesse, une première demoiselle, et tu n'entendras jamais une plainte ni un regret. J'ai une espérance. N'as-tu pas entendu, monsieur Popinot ? Le cher enfant, il ne sera pas mon gendre. Oh, maman, il sera véritablement mon fils. Le malheur, dit Césarine en embrassant sa mère, a cela de bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. » Césarine finit par adoucir le chagrin de la pauvre femme en jouant auprès d'elle le rôle d'une mère. Le lendemain matin, Constance alla chez le duc de Lenoncourt, un des premiers gentilshommes de la chambre du roi, et y laissa une lettre par laquelle elle lui demandait une audience à une certaine heure de la journée. Dans l'intervalle, elle vint chez monsieur de la Billardière, lui exposa la situation où la fuite du notaire mettait César, le pria de l'appuyer auprès du duc et de parler pour elle, ayant peur de mal s'expliquer. Elle voulait une place pour Birotteau. Birotteau serait le caissier le plus probe, s'il y avait à distinguer dans la probité. Le roi vient de nommer le comte de Fontaine à une direction générale dans le ministère de sa maison. Il n'y a pas de temps à perdre. À 2 heures, la Billardière et madame César montaient le grand escalier de l'hôtel de Lenoncourt, rue Saint-Dominique, et furent introduits chez celui de ces gentilshommes que le roi préférait, si tant est que le roi Louis XVIII ait eu des préférences. Le gracieux accueil de ce grand seigneur qui appartenait au petit nombre des vrais gentilshommes que le siècle précédent a légué à celui-ci donna de l'espoir à madame César. La femme du parfumeur se montra grande et simple dans la douleur. La douleur ennoblit les personnes les plus vulgaires, car elle a sa grandeur, et pour en recevoir du lustre, il suffit d'être vrai. Constance était une femme essentiellement vraie. Il s'agissait de parler au roi promptement. Au milieu de la conférence, on annonça monsieur de Vandenesse, et le duc s'écria « Voilà votre sauveur !» Madame Birotteau n'était pas inconnue à ce jeune homme, venu chez elle une ou deux fois pour y demander de ses bagatelles, souvent aussi importantes que de grandes choses. Le duc expliqua les intentions de la Billardière. En apprenant le malheur qui accablait le filleul de la marquise d'Uxelles, Vandenesse alla sur le champ avec la Billardière chez le comte de Fontaine, en priant madame Birotteau de l'attendre. Monsieur le comte de Fontaine était, comme la Billardière, un de ces braves gentilshommes de province, héros presque inconnus qui firent la Vendée. Birotteau ne lui était pas étranger. Il l'avait vu jadis à la Reine des Roses. Les gens qui avaient répandu leur sang pour la cause royale jouissaient à cette époque de privilèges que le roi tenait secrets pour ne pas effaroucher les libéraux. Monsieur de Fontaine, un des favoris de Louis XVIII, passait pour être dans toute sa confidence. Non seulement le comte promit positivement une place, mais il vint chez le duc de Lenoncourt, alors de service, pour le prier de lui obtenir un moment d'audience dans la soirée et de demander pour la Billardière une audience de monsieur, qui aimait particulièrement cet ancien diplomate vendéen. Le soir même, monsieur le comte de Fontaine alla des Tuileries chez madame Birotteau lui annoncer que son mari serait, après son concordat, officiellement nommé à une place de 2500 francs à la caisse d'amortissement, tous les services de la maison du roi se trouvant alors chargés de nobles surnuméraires avec lesquels on avait pris des engagements. Ce succès n'était qu'une partie de la tâche de madame Birotteau. La pauvre femme, à la rue Saint-Denis, au chat qui pelote, trouvait Joseph Lebas. Pendant cette course, elle rencontra dans un brillant équipage madame Roguin, qui sans doute faisait des emplettes. Ses yeux et ceux de la belle notaresse se croisèrent. La honte que la femme heureuse ne put réprimer en voyant la femme ruinée donna du courage à Constance. « Jamais je ne roulerai carrosse avec le bien d'autrui, » se dit-elle. Bien reçue de Joseph Lebas, elle le pria de procurer à sa fille une place dans une maison de commerce respectable. Lebas ne promit rien, mais 8 jours après, Césarine eut la table, le logement et 1000 écus dans la plus riche maison de nouveautés de Paris, qui fondait un nouvel établissement dans le quartier des Italiens. La caisse et la surveillance du magasin étaient confiées à la fille du parfumeur, qui, placée au-dessus de la première demoiselle, remplaçait le maître et la maîtresse de la maison. Quant à madame César, elle alla le jour même chez Popinot, lui demander de tenir chez lui la caisse, les écritures et le ménage. Popinot comprit que sa maison était la seule où la femme du parfumeur pourrait trouver les respects qui lui étaient dus et une position sans infériorité. Le noble enfant lui donna 3 000 francs par an. La nourriture, son logement, qu'il fit arranger, et prit pour lui la mansarde d'un commis. Ainsi la belle parfumeuse, après avoir joui pendant un mois des somptuosités de son appartement, dut habiter l'effroyable chambre, ayant vu sur la cour obscure et humide, où Gaudissart, Anselme et Finot avaient inauguré l'huile céphalique. Quand Molineux, nommé agent par le tribunal de commerce, vint prendre possession de l'actif de César Birotteau, Constance, aidée par Célestin, vérifia l'inventaire avec lui. Puis la mère et la fille sortirent, à pied, dans une mise simple, et allèrent chez leur oncle Pillerault, sans retourner la tête, après avoir demeuré dans cette maison le tiers de leur vie. Elles cheminèrent en silence vers la rue des Bourdonnais, où elles dînèrent avec César pour la première fois depuis leur séparation. Ce fut un triste dîner. Chacun avait eu le temps de faire ses réflexions, de mesurer l'étendue de ses obligations et de sonder son courage. Tous trois étaient comme des matelots prêts à lutter avec le mauvais temps, sans se dissimuler le danger. Birotteau reprit courage en apprenant avec quelle sollicitude de grands personnages lui avaient arrangé un sort. Mais il pleura quand il sut ce qu'allait devenir sa fille. Puis il tendit la main à sa femme en voyant le courage avec lequel elle recommençait la vie. L'oncle Pillerault eut pour la dernière fois de sa vie les yeux mouillés à l'aspect du touchant tableau de ces trois êtres unis, confondus dans un embrassement au milieu duquel Birotteau, le plus faible des trois, le plus abattu, leva la main en disant « Espérons ». « Pour économiser, dit l'oncle, tu logeras avec moi, garde ma chambre et partage mon pain. Il y a longtemps que je m'ennuie d'être seul. Tu remplaceras ce pauvre enfant que j'ai perdu. D'ici, tu n'auras qu'un pas pour aller rue de l'Oratoire à ta caisse. » « Dieu de bonté !» s'écria Birotteau. « Au fort de l'orage, une étoile me guide. » En se résignant, le malheureux consomme son malheur. La chute de Birotteau se trouvait dès lors accomplie. Il y donnait son consentement. Il redevenait fort. Fin de la 34e section.